C'est la fin de la vie, c'est le bout de la nuit. On s'enfuit, on périt. Oh, c'est la fin de l'orage, c'est la dernière page, c'est la fin de misère. Et que vive le père, c'est la fin. Chagrin, démarrer, démarrer.